Après ces réminiscences de l'Ancien Testament, voici des réminiscences du Nouveau Testament, deuxième volet de la Bible. L'essentiel tourne autour de Jésus, Issa en arabe, et de sa mère, Marie, Myriam ou Myriam en arabe. Certains versets sont très proches du Nouveau Testament, notamment dans la sourate 19, intitulée d'ailleurs Mariam. Nous envoyâmes Noé et Abraham. Nous envoyâmes sur leur trace d'autres apôtres, comme Jésus, fils de Marie, à qui nous donnâmes l'Évangile. Nous mîmes dans les cœurs des disciples qui les ont suivis la douceur, la bonté et le goût de la vie monastique. Ce sont eux-mêmes qui l'ont inventé. Après avoir annoncé la naissance de Yahya, Jean, le baptiste des Évangiles, parle dans le Coran de Marie. Nous envoyâmes vers elle notre esprit, l'ange Gabriel. Il prit devant elle la forme d'un homme, d'une figure parfaite. « Je suis l'envoyé de ton Seigneur, lui dit-il, chargé de te donner un fils saint. »« Comment, répondit-elle, aurais-je un fils ? Nul homme ne s'est approché de moi, et je ne suis point une dissolue. » Il répondit, « Il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit, ceci est facile pour moi. Il sera notre signe devant les hommes, et la preuve de notre miséricorde. L'arrêt est fixé. » Les anges dirent à Marie, « Allah t'annonce son verbe. Il se nommera le Messie, Jésus, fils de Marie, honoré dans ce monde et dans l'autre, et un des confidents d'Allah. Il parlera aux hommes, enfants au berceau, et adultes. Il sera du nombre des justes. Il enseignera le livre de la sagesse, le Pentateuque et l'Évangile. Jésus sera envoyé auprès des enfants d'Israël. Il leur dira, « Je viens vers vous, accompagné des révélations du Seigneur. Je guérirai l'aveugle de naissance et le lépreux. Je ressusciterai les morts par la permission d'Allah. » Marie devint grosse de l'enfant et se retira dans un endroit éloigné. Les douleurs de l'enfantement la surprirent auprès d'un tronc de palmier. « Plût à Allah, s'écria-t-elle, que je fusse morte avant que je fusse oubliée d'un oubli éternel. » Elle alla chez sa famille, portant l'enfant dans ses bras. On lui dit, « Oh Marie, tu as fait une chose étrange. Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme méprisable, ni ta mère, une femme suspecte. » Marie leur fit signe d'interroger l'enfant. « Comment, dirent-ils, parlerons-nous à un enfant au berceau ?»« Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a constitué prophète. » Mais concernant plus précisément Jésus, le Coran prend aussi le contre-pied de l'Évangile. En effet, ce Jésus, fils de Marie, pour parler la parole de la vérité, est celui qui est le sujet de doute d'un grand nombre. Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Loin de sa gloire se blasphème. Quand il décide d'une chose, il dit « Sois et elle est ». De plus, ils disent « Nous avons mis à mort le Messie, Jésus, fils de Marie, l'apôtre de Dieu. » Non, ils ne l'ont point tué. Ils ne l'ont point crucifié. Un autre individu qui lui ressemblait lui fut substitué, et ceux qui disputaient à son sujet ont été eux-mêmes dans le doute. Ils n'en avaient pas de connaissance précise, ce n'était qu'une supposition. Ils ne l'ont point tué réellement. Allah l'a élevé à lui, et Allah est puissant et sage. Et enfin, un verset totalement absent du Nouveau Testament. Je suis l'apôtre d'Allah, disait Jésus, fils de Marie, à son peuple. Je viens confirmer le livre qui m'a précédé et vous annoncer la venue du prophète qui me suivra et dont le nom est Ahmed, équivalent de Mohammed. Lorsqu'il fit éclater à leurs yeux des signes évidents, ils s'écrièrent : C'est de la sorcellerie pure.